Peut-être. Phil FM. La casse présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, Adam Le Fur. Je ne sais pas si on me reçoit. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Antigone et sur Phil FM. Dimanche 10 avril 2022, j'espère que vous allez bien, ici Antoine Ricard, alors que sur BFM TV, Maxime Switek vient de se barrer du studio, tout est normal. Nous sommes bien avec vous en direct pendant 45 minutes, donc sur Radio Antigone et sur Phil FM pour donc cette soirée électorale qui s'annonce d'ores et déjà quelque peu particulière. Le premier chiffre qu'on peut vous donner ce soir, amis auditeurs, c'est le taux d'abstention qui serait, je dis bien, voilà, pour ELAB, pour BFM TV et l'Express avec RMC, de 26,5%. Pour l'instant, voilà, c'est le premier chiffre qu'on a. On a d'autres chiffres pour l'instant, mais on ne peut pas encore vous les donner, évidemment, sinon ce serait trop beau. Donc 26,5% d'abstention pour l'instant, ce qui s'annonce. Donc il reste moins de 14 minutes d'attente. Et pour ces attentes avec nous, ce soir et même jusqu'à 20h30 en direct sur Radio Antigone et sur Phil FM, il y a Adam et il y a Enzo. Bonsoir messieurs. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Messieurs, je ne sais pas si je ne crois qu'on ne vous entend pas les garçons. Alors, on n'entend pas Adam, mais parce qu'Adam n'a pas allumé son micro. C'est dommage. Est-ce que tu m'entends, Antoine? Je suis là, pardon. Ah, bonsoir, Adam. Bonsoir, Antoine. Il faut que tu n'as pas de son dans le retour Discord, visiblement. Je n'ai pas de son dans le retour, mais est-ce qu'au moins on m'entend Ah, on t'entend parfaitement bien, voilà. Mais Adam m'entendait, donc je ne sais pas pourquoi... Je vais pas vous mentir, chers amis auditeurs, on n'est pas au même endroit tous les trois, on est à trois endroits différents. Donc forcément, c'est ça la magie de la radio. La magie de la radio, effectivement, Adam. Mais c'est un peu compliqué, du coup, parce que pour se synchroniser, ce n'est pas toujours très très simple. Donc, on est avec vous, pour résumer, jusqu'à 20h30, en direct sur nos deux antennes communes, donc Radio Antigone et Phil FM. À partir de 20h30, sur Radio Antigone uniquement, soirée spéciale bimédia qui se poursuivra avec Jules De Kiss, Manon Mella, Olivia Leray et Clément Vikorovic. Et alors, par contre, désolé Enzo, faut que j'enlève mon oreillette parce que là j'ai mon retour, c'est dramatique. Je ne m'entends pas en fait. Enfin, je m'entends trop. mais donc, 26-5 ans d'abstention, les résultats dans moins de 15 minutes maintenant. Bah, garde-les pas loin les oreillettes, sinon tu vas pas m'entendre en fait, normalement. Oui, mais je sais Enzo que je ne vais pas t'entendre, mais là, vu qu'il y a un lancement, car il faut bien vous faire patienter un petit peu, nous n'avons pas Alain Duhamel, nous n'avons pas Gilles Bordchain, nous avons du contenu de qualité, nous avons du reportage. Et justement, vu qu'il est 19h et bientôt 49 minutes en direct sur Radio Antigone sur Phil FM, on va donc prendre un premier pas de recul tout de suite dans cette case électorale avec une revue de presse très simple, avec Andréane Mellard, donc la revue de presse de ce matin, qui fait le panorama des quotidiens locaux et nationaux, et même internationaux, à l'orée de ce premier tour et de ses premiers résultats. Et tout ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y aura peut-être Direct 8, la revue de presse tout de suite. Bonjour à tous. À la une, Norbert, des hebdomadaires et des magazines, la France qui retient son souffle à l'heure de la présidentielle. Une présidentielle à l'issue incertaine et menacée d'abstention. Oui, une élection à haut risque, prévient la une de l'hebdomadaire L'Obs. Les électeurs vont-ils jouer le jeu démocratique ou s'abstenir massivement, ce qui pourrait changer la donne et fragiliser l'assise du prochain président, se demande ce magazine. Jusqu'où ira la poussée de l'extrême droite, s'interroge-t-il encore. Et L'Obs n'est même pas sûr que cette élection amène à y voir plus clair, dans un paysage en pleine décomposition. Début de réponse ce soir. Pour la France, pourtant, Les défis à relever dans les années à venir sont considérables, souligne le Figaro Magazine. Seulement voilà, regrette cet hebdomadaire, faute de véritable campagne avant le premier tour, et si les 15 jours de l'entre-deux-tours ne permettent pas un débat clair, le ou la future locataire de l'Élysée risque d'avoir le plus grand mal à faire accepter ses projets et ses réformes, prévient le Figmag. Une présidentielle lourde d'incertitudes politiques, alors même où, en Europe, d'autres tentent de survivre sous les bombes. De quoi agacer l'Express, ce qui chagrine cet hebdomadaire, rien moins que ces Français désabusés que l'Express tient pour des privilégiés. Malgré le drame ukrainien, notre pays n'a visiblement pas pris conscience du privilège de pouvoir voter. Dans leur grande majorité, les Français sont attachés à la démocratie, mais beaucoup se disent frustrés par son manque d'efficacité, se navre l'Express. Or, si ce système a ses limites, il est aussi le seul capable de corriger ses erreurs et de se régénérer. À méditer pour ceux qui hésitent à voter le 10 avril, nous y sommes. Mécontents les Français de 2022? Certainement, puisqu'un sur trois aurait l'intention de bouder les urnes, soupire cet hebdomadaire. On connaît le refrain de la fatigue démocratique qui se serait emparée de nos régimes. Mais que nous disent les Ukrainiens qui résistent aux bombes russes semaine après semaine? Que la démocratie doit vaincre, martèle l'Express. La tuerie de la gare de Kramatorsk, que le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian l'a qualifié de crime contre l'humanité, le président Macron de crime de guerre, des incriminations qui relèvent de la justice. Or, contre la Russie, la Cour pénale internationale est incompétente. Oui, étant rappelé que pas plus que la Chine et les États-Unis, la Russie n'a ratifié le traité de Rome portant création de la CPI, l'hebdomadaire Le Point souligne que l'accès au terrain des enquêteurs internationaux est l'élément central de ce type de procédure. Les moyens de la CPI sont comptés. Professeur émérite en droit public international, Serge Sûr, dans ce magazine, compare la CPI à une organisation visible mais impuissante. Elle fait mine d'agir mais n'agit pas, car elle n'en a pas les moyens. D'autant, explique ce spécialiste, que le crime de génocide est encore plus difficile à établir. Pour prouver l'existence d'une attaque généralisée et systématique des populations civiles, il faut remonter la chaîne des responsabilités jusqu'à l'échelon politique. Qu'on ne se méprenne pas, ajoute Serge Sûr dans Le Point, les preuves que des ordres ont été donnés en haut lieu pour commettre des massacres, vous ne les aurez pas. Ou alors, dans 30 ans, quand les archives auront été ouvertes, prédit-il. Toujours dans Le Point, Juliane Fernandez, professeure à l'université Paris 2 Assa, spécialiste de droit international pénal, admet que, sans la coopération des États, la CPI est nue. Or, on voit mal quel pays serait prêt à lancer ses forces spéciales pour se saisir des accusés, surtout s'ils sont en Russie, complète Juliane Fernandez, une vraie mission impossible. Vous écoutez Radio Antigone et Phil FM, il est 19h passé de 53 minutes. Merci d'être avec nous, toujours en direct évidemment sur nos antennes respectives, dans la case électorale, alors que nous sommes à moins de maintenant 6 minutes des résultats, donc ils auront lieu évidemment à 20h comme vous le savez traditionnellement en France. Certains médias, certains collègues européens ou même internationaux francophones ont déjà sorti des résultats. Attention, ce ne sont que des sondages de sortie d'urne, donc les résultats, les vrais, seront à suivre en direct sur notre antenne. 19h passé de pratiquement de 55 minutes, première page musicale de cette soirée spéciale avec un titre, s'il en est, qui représente bien la soirée probablement. C'est Gargantua, ancienne découverte du Printemps de Bourges, ancienne inouïe. Petit teasing pour dans 2 semaines avec La Mort avec toi. Belle soirée sur Phil FM et Radio Antigone. À tout de suite. Et oui, la musique qui arrive, je n'étais pas prévenu qu'elle arrivait aussi tôt. Voilà, j'étais en train de régler le petit problème technique. Ah, pardon. Avant. La musique arrive, ne t'inquiète pas. Là, c'est du direct. Et ouais, c'est du direct. Il me faut 2 secondes. Voilà, je m'y attendais pas. Je savais pas qu'elle arrivait. Gargantua. Eh bien, voici Gargantua dans quelques instants. La Mort avec toi. Et on se retrouve juste après, pour 2-3 éléments de recontextualisation et pour les résultats à 20h dans 5 minutes. À tout de suite sur Phil FM et sur Radio Antigone. La voici, la voilà, ça commence dans 3, 2, 1... On a gagné! C'est parti! déclarer ma flamme. Je veux faire la mort avec toi. J'ai des idées romantiques consistant à faire aux flics des choses que le grand public qualifierait d'infâmes. Des idées à en découdre, tu mettrais le feu aux poudres en mettant les coups de foudre en tête du programme. L'amour en aveugle ceux dont on crèvera les yeux. Nos soirées en amoureux seront sans état d'âme. Pas de discrimination, cassons tout sans exception. Que l'enfer et la prison nous ouvrent leur sésame. Présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, à dans le fur. Radio Antigone, Phil FM, 19h passé de 58 minutes, dans moins maintenant de 2 minutes, nous aurons évidemment les résultats de ce premier tour des élections présidentielles, alors que sur les différentes chaînes, on voit que les QG commencent à être bien remplis. L'abstention, je vous le rappelle, 26,2, entre 26,2 et 26,5, alors que c'était encore un peu moins élevé en 2017, qui était à 22,2%, comme on le disait tout à l'heure. Et alors, justement, comme je le disais aux camarades derrière, pendant la musique, quelques petits chiffres de recontextualisation, évidemment. En 2017, donc il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, à la fin du premier tour, Emmanuel Macron était à 24%, Marine Le Pen à 21,3%, Fillon, malgré tout, était quand même à 20%, et Jean-Luc Mélenchon était à 19,5%. La soirée, donc, sera avec vous, je serai sur Radio Antigone jusqu'à 23h, il me semble, mon cher Enzo. En effet, ça va arriver. Dans quelques secondes, donc, les résultats qui vont arriver, qui vont tomber, voilà. Nous, on les a déjà plus ou moins, mais on ne peut pas encore vous les dire, parce que si l'ARCOM nous écoute, on va avoir une grosse amende. À vous d'un rappel. Ah bah, pardon, tant pour moi. Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. Vous écoutez Radio Antigone et Phil FM, il est 20h, Emmanuel Macron 28,1% et Marine Le Pen 23,3%. Ce sont donc eux qui s'affronteront au second tour des élections présidentielles de 2022. Jean-Luc Mélenchon est troisième avec 20,1% selon l'estimation de France Info. Donc je vous rappelle les résultats selon France Info. 28,1% pour Emmanuel Macron, 23,3% pour Marine Le Pen, c'est-à-dire Marine Le Pen est en hausse par rapport à 2017. Et Emmanuel Macron également, chacun ayant gagné plus, entre 2 et 4%. Jean-Luc Mélenchon est donc le troisième homme aux alentours de 20%. C'est malheureusement une affiche qui était évidemment bien connue. Éric Zemmour, c'est une sacrée baffe, selon toujours France Info, 7,2%. Valérie Pécresse a un petit 5%. Pardon, je rigole. Yannick Jadot, 4,4%. Ça fait très très mal pour Valérie Pécresse, qui est la Benoît Hamon de 2022. Jadot, donc 4,4. Jean Lassalle, 3,3 quand même. Plutôt un joli score pour le candidat du Béarn. Fabien Roussel, 2,7. Nicolas Dupont-Aignan, 2,3. Anne Hidalgo, qui se prend une claque plus que sévère avec 2,1%. Nathalie Arthaud à 0,8%. Et Philippe Poutou, qui ferme la marche avec 0,7%. Donc, effectivement, la déculottée sévère pour Anne Hidalgo, qui ne fait même pas le score de Benoît Hamon en 2017, qui serait probablement, selon Radio France et France Télévisions, tous les 3%. Autant vous dire, à ce niveau-là, ce n'est même plus une claque, c'est une déculottée pour la gauche. Heureusement que Jean-Luc Mélenchon arrive quand même à avoir encore quelques pourcents, effectivement, vu que lui tourne autour des 20%. On le voit sur les images de nos confrères des différentes radios et télévision, surtout évidemment les images chez lui en télévision, dans le cul d'Emmanuel Macron, effectivement. Oui, c'est pas faux, Enzo, c'est pas faux. Oui, voilà. Donc effectivement, on a vu les images du QG d'Emmanuel Macron où les militants ont été très chauds très vite. Et puis là, du coup, ils sont tous calmés. Mais Valérie Pécresse à 5% également, c'est un sacré gadin. Quand je vous rappelle quand même qu'en 2017, François Fillon faisait 20%. Il y a eu 15% de moins. C'est énormissime. C'est même plus une claque. Là, c'est une déculottée sévère également pour la droite. C'est vraiment catastrophique pour le parti Les Républicains qui serait autour des 5%, c'est-à-dire, je vous rappelle quand même, que 5% c'est le seuil pour le remboursement. Si Valérie Pécresse arrive peut-être à 4,9, les résultats seront affinés au long de la soirée. Et là, on a Anne Hidalgo qui s'exprime peut-être, Enzo. France Info, Anne Hidalgo en direct depuis son QG de campagne. On va peut-être l'écouter du coup. Parce qu'elle est qualifiée, qu'elle augmente également son score et qu'elle le fait malgré la concurrence des ceux que j'ai rencontrés partout en France, à toutes celles et ceux pour qui je me bats, les premiers de corvée d'abord qui sont au front pour que notre pays reste debout, les ouvriers, les employés, les infirmières, les professeurs, les agriculteurs et les agricultrices, et toutes celles et ceux qui font aussi vivre notre beau pays de leur créativité, de leur générosité et de leurs engagements. Je veux vous dire, j'en fais le serment ce soir, que je continuerai à mettre toute mon énergie de femme politique et de citoyenne pour une France républicaine. Alors, petit problème technique. On a perdu Anne Hidalgo qui s'exprimait notamment sur France Info. Ah oui, j'ai totalement perdu Anne Hidalgo. Voilà. Ce n'est rien. Quand Anne Hidalgo s'est perdue elle-même dans les sondages. Visiblement, oui. Ça s'agite à 2,1 du côté de nous tous et donc du côté d'Emmanuel Macron. Dans la salle, les drapeaux sont en train de voler. Voilà, c'est vraiment le bonheur du côté de la zone de campagne d'Emmanuel Macron. On peut quand même noter quelque chose qui s'est pas constaté en 2017. Là, vraiment, on a un stack de l'opinion sur 3 candidats seulement, et les autres sont tous en dessous de 10, voire en dessous de 5. Alors, attends, je fais une petite remarque, je coupe 5 secondes. Oui. On ne l'écoute que sur Phil FM, visiblement, voilà. On n'est pas sur Antigone. Selon notre ami, donc, le radiojournal, le petit coquin. Bon bah, le radiojournal, le petit coquin, bravo, bravo radiojournal. Donc bienvenue aux auditeurs de Phil FM, donc. Et bienvenue aux auditeurs de Radio Antigone qui nous rejoignent à l'instant, alors que le radiojournal avait préféré se mettre à la place de nous. Merci radiojournal, merci RFM. Radio Antigone, donc, et Phil FM de retour. Donc, selon TF1 maintenant, quelques sondages ont... on a eu donc on a eu 1,9% de Anne Hidalgo à l'antenne, c'est suffisant, c'est comme son score. Donc Zemmour serait à 6,8%, Pécresse et Jadot, donc Pécresse serait selon TF1 sous la barre des 5%, à égalité avec Yannick Jadot à 4,6 points. Autant vous dire, là c'est même plus une déculottée, là c'est vraiment un chaos total pour la droite, effectivement, vu que Yannick Pécresse n'aurait même pas ses frais de campagne remboursés. France Info qui nous invite, oui effectivement, qui nous indique que Valérie Pécresse à 5%, mais donc BFM TV qui est plus réservé encore. Yannick Jadot, on va rappeler rapidement, 4,4%, Jean Lassalle 3,3%, Fabien Roussel 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan 2,3%, Anne Hidalgo 2,1%, Nathalie Arthaud 0,8%, et 0,1% derrière Philippe Poutou à 0,7%. Et on remarquera du coup Enzo, oui. Et à l'instant, Anne Hidalgo, qu'on a perdu, mais qui invite à voter Emmanuel Macron pour le second tour. Est-ce que c'est étonnant, dans un sens, que Anne Hidalgo appelle à voter Macron ? Non, c'est absolument pas étonnant, dans le sens où, de toute façon, Anne Hidalgo, qui est une personne ou une socialiste, on va dire presque éléphant de cette époque-là, on sait qu'elle est soutenue, évidemment, par Martine Aubry, j'enlève mon retour, parce que là, c'est compliqué. Ce n'est absolument pas étonnant pour Anne Hidalgo, qui s'inscrit dans ce courant écologiste, de toute manière, qui n'est pas du tout partagé visiblement par Marine Le Pen. Mais après, on verra ce qui va se passer. Certains candidats ont annoncé qu'ils ne donneraient pas de consigne de vote, Adam. Donc, c'est... Oui, mais alors pourquoi Anne Hidalgo le fait là, on s'annonce quand même, sans donner d'opinion ou quoi, on s'annonce quand même à un choix difficile. Là, effectivement, on revit ce qu'on vivait en 2017 avec le duel Macron-Le Pen. Mais voilà, Emmanuel Macron, malgré ses casseroles, est à 28,1%. Il y a 5 ans, il était à peine à 24%. Donc, ça va être très compliqué ce second tour, car il n'y a pas tant d'écart que ça entre Macron et Le Pen. Lui est à 28%. Dans les sondages du second tour qui opposaient Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les sondages étaient extrêmement serrés. Mais Mélenchon qui dépasserait les 20%, il faut savoir qu'il y a quand même une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont peut-être se reporter sur Marine Le Pen. C'est clairement sûr, même. Parce que les gens vont partir peut-être sur la psychologie du tout sauf Macron. C'est ça. C'est ça, et c'est très intéressant ce que tu dis, Adam, parce que le tout sauf Macron peut arriver effectivement extrêmement vite et avoir des conséquences extrêmement compliquées, c'est-à-dire soit avoir une abstention extrêmement forte au second tour, le vote blanc qui pourrait être extrêmement fort, ou alors simplement partir carrément sur une élection de Marine Le Pen, là qui est affichée à 23,3%. Pour l'instant, selon Radio France et France Télévisions, 23,3, c'est-à-dire 2 points de plus qu'en 2017, ce qui est quand même un score tout à fait honorable pour la candidate du Rassemblement National, qui, du coup, je vous le rappelle, ce soir à 21h09 sur Radio Antigone sur Fil FM, donc la candidate du Rassemblement National qui sera donc face à Emmanuel Macron pour le second tour de cette élection présidentielle, mon cher Enzo et mon cher Adam. Et nous scrutons les différentes chaînes de télévision pour entendre en direct les réactions des différents candidats ou des soutiens des candidats. On vous tient au courant, bien sûr, sur Radio Antigone. Et puis, on partira du côté des différents QG de campagne dans la région parisienne. Dès que quelqu'un prend la parole, nous restons avec vous pour vous accompagner au moins jusqu'à 20h30, tous les trois en direct. La seule qu'on n'entendra pas, c'est Valérie Pécresse, puisqu'elle parle à 20h30, justement. Moi ça me dérange pas, voilà, chers auditeurs qui nous écoutez ce soir, si on peut déborder un peu pour suivre la déclaration de Valérie Pécresse qui serait peut-être sous les 5%, évidemment, Radio Antigone gardera la main pour avoir la réaction de Valérie Pécresse si elle parle à 20h29, évidemment, on ne rendra pas l'antenne au milieu de cette déclaration, on lui fera que 5% de sa déclaration, conformément à son score, évidemment, Enzo. Et oui, on est largement disponible, on peut rester encore un bon moment. Emmanuel Macron, donc, en tête, 28,5% pour BFM TV contre 24,20% pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon qui dépasserait donc les 20%, Mais effectivement, là, ce soir, ce qu'on peut voir à 20h10, minutes, pratiquement 11, c'est quand même encore une nouvelle explosion de la politique en France, avec 4,4 pour Yannick Jadot, qui était beaucoup plus haut fut un temps. Jean Lassalle, étonnamment, qui est à presque 3,5%. Jean Lassalle, qui est quand même un tout petit candidat. Éric Zemmour, qui était annoncé parfois comme le deuxième homme, qui est à 6%, entre 6 et 7%. Anne Hidalgo, qui atteint même pas les 3%. Pécresse, Jadot, voilà, surtout Valérie Pécresse, effectivement, qui signerait peut-être l'arrêt de mort définitif des Républicains ce soir. C'est une recomposition de la politique française qui va s'annoncer être extrêmement compliquée et extrêmement périlleuse à venir, mon cher Enzo et mon cher Adam. En effet, et la gauche également en difficulté, hein, même si la droite, la vieille droite de l'ex-UMP, les Républicains, est en difficulté ce soir, la gauche également, même si Jean-Luc Mélenchon n'est pas si loin, mais encore quand même un peu loin, voire même beaucoup trop loin pour espérer s'abattre à 8% environ d'Emmanuel Macron. 8%, et puis c'est vrai que c'était aussi probablement sa dernière candidature cette année. Il a plus de 70 ans. Il voulait y croire cette année, peut pas forcément être élu président. Il a frôlé ce second tour. Voilà. Là, il a vraiment frôlé ce second tour. Et déjà, on se rappelle à l'époque les 800 000 voix qui séparaient du second tour. Là, il y a à peine 3 petits pourcents qu'il sépare de Marine Le Pen, mais c'est toujours les 3%. Qu'aurait pu amener Fabien Roussel, qu'aurait pu amener peut-être Anne Hidalgo. Voilà, c'est vraiment la candidature qui aurait pu s'inscrire dans une sorte de renouvellement de l'état politique en France. À cause des dispersions qu'il y a pu y avoir à gauche, cela ne s'est encore pas fait. La gauche qui n'arrive toujours pas à se retrouver autour d'un candidat et d'une union certaine. La dispersion qui continue, malheureusement, quoi qu'il arrive, la droite qui, elle, c'est vraiment rangé derrière Emmanuel Macron et derrière Marine Le Pen. Mais c'est vrai que la gauche est partie avec beaucoup plus de candidats que la droite. Et c'est vraiment une dispersion et une explosion de la vie politique en France qu'on est en train de vivre encore ce soir, les garçons. Et je pense que ça va avoir des conséquences assez énormes. Mais déjà, en fait, on peut dire que Macron a gagné grâce à l'abstention. Grâce à ces Français qui en ont marre de la politique. Enfin, il n'a pas encore gagné. Mais il est en tête de ce second tour parce que Macron a 28% de l'opinion, mais ces 28% sont fidèles aux urnes. Oui, puis contrairement au reste. Oui, effectivement, mais ces 28%, ces 28% de 60%, 60 ou 70 ou 75%. Donc au final, il y a quand même eu un peu plus de 26% d'abstention selon les premiers sondages qui sortent. Il va encore y avoir probablement un rejet de la chose politique qui va se ramener, et avec les conséquences derrière, un certain manque de légitimité pour certaines réformes, pour certaines choses. Ça va être très compliqué, très très compliqué encore. Et comme ce qu'on parlait tout à l'heure, tout est possible pour Marine Le Pen, et le fait qu'elle arrive peut-être à se hisser à la plus haute marche, c'est-à-dire celle de l'Élysée, dans deux semaines maintenant, c'est possible quand on voit les résultats d'Éric Zemmour qui est à 7,2, certains mélenchonistes qui vont, comme on le disait, voter pour elle. Ça risque d'être très très compliqué pour Emmanuel Macron selon ce qui va pouvoir se passer peut-être dans les prochains jours. Il est 20h passé. Oui, Adam, tu voulais rajouter quelque chose? Je regarde un petit peu les réseaux sociaux aussi, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie intégrante de notre monde médiatique. Et on aurait pu s'attendre à un hashtag présidentiel 2022 en TT, et en fait, c'est une blague qui est même en TT. Effectivement, même le Radio Londres n'a pas été des plus... Fabien Roussel, qui s'exprime sur France 2. Ah. Il avait laissé les électeurs libres. C'est les électeurs qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus à l'occasion de ce premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont voté pour la France des jours heureux, pour une France heureuse, solidaire et digne. Et je dis que chacune de vos voix est un message d'espoir, chacune de vos voix est importante et elle doit être respectée à ce titre. Ce premier tour est encore marqué par une abstention forte qui révèle autant les fractures de notre société qu'un malaise profond, mais aussi par l'extrême droite qui est représentée par plusieurs candidats et qui n'a jamais été aussi forte dans notre République. Utile a largement servi les trois candidats arrivés en tête au détriment de tous les autres. Et face à cette lame de fond de ces derniers jours, je voudrais sincèrement, le plus profondément de mon cœur, saluer les centaines de milliers d'électeurs et d'électrices qui ont fait le choix de voter pour ma candidature et saluer les dizaines de milliers de militantes et de militants engagés, communistes, issus des et on entend à présent politiques. La déclaration de Valérie Pécresse. Et fière. Je voulais vous convaincre que le courage de mener une vraie politique de droite autour des valeurs d'autorité, de liberté et de travail était la solution pour redonner à notre pays la force et la prospérité qu'il mérite, et aux Françaises et aux Français une vie meilleure. J'ai dû batailler sur deux fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes, alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. À toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote, dans l'Hexagone, Outre-mer et à l'étranger, je veux leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais gravé dans mon cœur. Je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement qui s'est démultipliée partout sur le territoire pour porter haut nos convictions et nos couleurs. Je reste persuadée que notre projet courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes. Après un quinquennat de crise, d'immobilisme et de louvoiement, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et il y a tant à reconstruire. Voilà pourquoi la droite et le centre, solidement enracinés dans les territoires, ne doivent rien lâcher. Ne pas se diviser, ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annoncent. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi prête de l'emporter. En épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Nous pourrions tous en payer le prix. Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Je l'ai dit. Je ne suis pas propriétaire des suffrages qui se sont portés sur mon nom. Mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour. À l'issue de ces mois si intenses, de rencontres, de dialogues dans les villes et les villages qui font la beauté, la diversité et l'identité de notre pays, je veux enfin dire aux Françaises et aux Français que je les aime passionnément, que mon engagement politique est intact et que, pour améliorer leur quotidien et leur destin, je mènerai d'autres combats. Je continuerai à me battre de toutes mes forces pour vous servir et défendre une certaine idée de la France. Vive la République et vive la France. C'était Valérie Pécresse que nous avons pu suivre en direct grâce à nos confrères de France 2, alors que dans le même temps, Éric Ciotti, soutien de Valérie Pécresse et des Républicains pour ce premier tour, a annoncé qu'il ne voterait pas Emmanuel Macron au deuxième tour, mon cher Antoine. Effectivement, Enzo, et c'est une vraie débâcle pour la droite. Valérie Pécresse, on l'a vu très émue sur les images. Et on s'est posé la question pendant qu'elle parlait, on a échangé ça. Là, on voit d'ailleurs le plan de fin, le plan où elle est applaudie. Elle part visiblement très très émue. Elle part. Et tout le monde part dans la salle d'ailleurs. Hein. Ouais, vraiment, c'est une vraie débâcle pour la droite ce soir. Donc elle appelle, comme tu le disais Enzo, et comme elle l'a annoncé d'ailleurs, à voter Emmanuel Macron. Ça ne fait pas grande surprise, évidemment. Sur le fond, les programmes ne sont, contrairement à ce qu'elle disait, pas si éloignés que ça. Mais malgré tout, voilà, comme ce que vous disiez les garçons, Éric Ciotti, qui était donc son adversaire lors de la primaire des Républicains, n'appelle pas à voter Emmanuel Macron. Et on le sait très bien, il votera très probablement pour Marine Le Pen. Et comme Adam, on en parlait hors antenne, tout va se jouer effectivement maintenant sur les législatives qui auront lieu donc dans quelques semaines maintenant. Mmh. Et effectivement, si Marine Le Pen est amenée comme c'est possible maintenant, mine de rien, quand on voit le calcul des votes et le calcul des pourcentages, les possibilités de report. Yannick Jadot s'exprime tout de suite. Eh bien, mes chers compatriotes, je veux remercier chaleureusement les Françaises et les Français qui m'ont fait confiance. Je veux aussi dire aux militantes et aux militants qui se sont engagés dans cette campagne ma fierté. Ma fierté, car j'en suis intimement convaincu, nous avons porté avec force et détermination un projet qui fait face et répond aux grands enjeux du climat, du vivant, de la paix, de la justice sociale et de la démocratie. Nous l'avons fait sans jamais céder au cynisme, à la détestation, aux invectives, aux complaisances. Et vous le savez, c'est peu dire, pourtant, que ces enjeux vitaux, vitaux pour notre pays, vitaux pour nous et nos enfants, ont été largement ignorés dans cette campagne, confisqués. Nous en tirerons toutes les leçons. L'écologie sera donc absente du second tour. Elle ne peut pas l'être du quinquennat. C'est pourquoi il faudra bien et vite, très vite, lors des élections législatives, regarder et enfin voir la situation en face et agir. Il faudra bien voir l'urgence vitale de la bataille pour le climat et la biodiversité. Il faudra bien voir les menaces contre la démocratie ici et en Europe. Il faudra bien sortir d'une société morcelée, bloquée, empêchée, méprisée, qui tourne le dos à la jeunesse. Il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale. Je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité. Les élections législatives en seront l'occasion. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats. Je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don. Nous ne lâcherons rien. Je ne lâcherai pas. L'état du pays l'impose. Ce soir, nous prenons une fois de plus nos responsabilités, sans hésitation, sans ambiguïté, car l'écologie, c'est la République. J'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne Je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Que personne ne minimise la menace fondamentale que constitue l'extrême droite pour la démocratie, la paix civile, l'écologie et pour les valeurs de notre République. Mais je veux le dire au président de la République sortant Emmanuel Macron. Notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique, de déni social, de conformisme et de mépris démocratique. Il vaut encore moins soutien au projet qu'il a esquissé pendant la campagne. Il revient au candidat Emmanuel Macron de créer les conditions du rassemblement d'une majorité de Françaises et de Français pour faire échec à l'extrême droite. Le combat pour le climat continue, pour notre survie en tant qu'humains et pour ce pays blessé que nous aimons tant. Nous en avons le devoir. Je vous remercie. Vive l'écologie, vive la République et vive la France. Yannick Jadot qui s'exprimait en direct sur Radio Antigone Phil FM grâce à nos confrères de France 2 qui ont diffusé cette prise de parole de Yannick Jadot. Et cette édition spéciale continue sur Radio Antigone, Antoine. Non mais je pense qu'aujourd'hui... Et du coup, premier résumé, Pécresse, Hidalgo, Roussel et Jadot appellent donc à voter pour le président sortant Emmanuel Macron afin de faire barrage à l'extrême droite, donc incarnée par la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen. Il est 20h28, Enzo, et hors antenne, tu t'amuses à faire un petit calcul au total des votes de gauche. En effet, un petit calcul total des votes de gauche, si on additionne les scores de Ipsos Soprasteria pour France Télévisions de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot et je crois que j'ai fait le tour. Non, et Jean-Luc Mélenchon quand même. On arrive à un total de 30,8% en reprenant donc les données de France Télévisions et de Le Point Ipsos Soprasteria. Voilà, pour un petit tour d'horizon. D'où en est la gauche actuellement? Oui, tout à fait, Enzo. La gauche qui effectivement est dans un état particulier, c'est peu de le dire ce soir. La gauche qui est partie dispersée, on le disait, et la gauche qui a du mal à se retrouver dans quelqu'un, dans un candidat. Effectivement, 2,1% des voix pour la candidate du PS, Marine Le Pen, la maire de Paris. Anne Hidalgo, qui a donc fait pire que Benoît Hamon, qui avait péniblement dépassé les 5% il y a 5 ans. On pensait difficilement que ça allait être pire, et pourtant, c'est possible. La candidate du PS qui achève donc cette campagne, qui n'a jamais du tout décollé, peut-être est-ce un vote contre la personne qu'elle est, contre la politique qu'elle voulait mener, contre ce qu'elle a fait à Paris. Bref, Anne Hidalgo, qui est vraiment dans une position latérale de socialisme la plus absconse. Vous écoutez Radio Antigone et vous écoutez Phil FM, la case électorale qui se poursuit ce soir. Jusqu'à quelle heure, on ne sait pas vraiment. Merci d'être avec nous dimanche 10 avril 2022, il est 20h30. La radio à vif. Cette édition spéciale qui se poursuit donc avec Adam et avec Enzo jusqu'au bout de la nuit, comme c'est parti, la bienvenue. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Radio Antigone, Phil FM. La case présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, Adam Le Fur. ce premier. Je sais pas si on est à l'antenne, mais c'est pas grave. On est à l'antenne. Voilà, c'est une volonté de ma part d'avoir voulu un habillage un petit peu particulier. Donc c'est Justice, vous l'aurez remarqué, c'est Stress, avec un clip qui avait fait fortement polémique à l'époque. Pour le second tour, promis, Adam nous a préparé un habillage qui va être au petit oignon et bien plus agréable à l'oreille. On vous rappelle les résultats rapidement. Donc, pour le second tour, qui c'est qu'on aura? Eh ben, on prend les mêmes, on recommence comme en 2017. Emmanuel Macron à 28,5% et Marine Le Pen à 23,6% selon les premiers résultats d'Ipsos Soprasteria pour Radio France et France Télévisions et les médias publics francophones et allemands. Évidemment, c'est vrai qu'il fait froid, n'oubliez pas de vous couvrir. Ça a l'air d'être relativement calme pour les prochaines minutes, mon cher Enzo. Il y aura évidemment d'autres déclarations qui vont arriver. Je vous propose qu'après ces 30 minutes de blabla ininterrompu sur Radio Antigone et sur Phil FM, une petite pause musicale qui va nous faire du bien. Qu'est-ce qu'on va écouter dans les prochaines secondes sur Radio Antigone? On va s'écouter, mon cher Enzo, avant de retrouver les déclarations. Donc, tout de suite, on va s'écouter Erreur 404. Je pense que c'est un peu de bonne aloi par rapport au contexte politique. Oui. Donc, l'impératrice, dans quelques secondes, avant de continuer notre soirée spéciale en direct sur Radio Antigone et sur Phil FM, donc avec ce second tour, je vous le rappelle. Macron, alors que Marine Le Pen est en train d'arriver au pupitre, on y va. Non, mais un jour, on va pouvoir écouter un peu de musique sur nos antennes respectives. Mes chers compatriotes, donc je vous rappelle d'ailleurs que Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du Marine Le Pen en direct sur Radio Antigone et sur Phil FM. Le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir. L'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir, soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain, soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance, mais un choix de société et même de civilisation. De votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française, des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des Français, des lois et des valeurs républicaines, au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes. De votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l'argent. Je pense par exemple à l'importance que nous accordons à la solidarité envers les plus vulnérables, la possibilité de jouir de droits garantis ou encore d'accéder à la retraite en bonne santé. De votre vote du 24 avril dépendront enfin les décisions politiques du prochain quinquennat, mais qui en réalité engageront la France pour les 50 prochaines années. La politique migratoire, sécuritaire, économique, sociale, énergétique, européenne, militaire ou diplomatique. Mon engagement sur ces sujets est sans faille. J'assurerai l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix. Je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France, c'est-à-dire pour les Français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts. Je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous. Par l'écoute et l'attention, je garantirai le respect de chacun d'entre vous et tout particulièrement des simples citoyens, des fonctionnaires et des élus trop souvent bafoués sous le dernier quinquennat. Ces derniers mois, je vous ai présenté sans détour, mais sans aucune outrance, les défis qui se posent au pays et les solutions que je vous propose dans le cadre d'un projet travaillé, équilibré et chiffré. C'est avec le même sérieux que j'entends sans attendre recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée et qu'aucun pouvoir n'a su jusqu'ici réparer. La fracture sociale, territoriale, institutionnelle, culturelle, médicale, numérique. Je remettrai la France en ordre en 5 ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21e siècle plein de promesses et d'opportunités. Car au-delà de ce redressement nécessaire, mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays. Une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne, avec une proportionnelle permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentées à l'Assemblée nationale. Une ambition économique et écologique. Qui appuie le retour de la prospérité et du plein emploi sur le localisme, le patriotisme économique et le soutien à nos TPE-PME créatrices d'emplois. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail et réconcilier le travail et le capital par la participation. Une ambition sociale qui garantisse à tous une école du savoir, de la promotion sociale et de l'assimilation, le pouvoir d'achat, des salaires et des pensions dignes, un système de santé de qualité accessible à tous et partout, un logement décent. Notre pays doit s'enorgueillir de n'abandonner aucun de ses enfants, d'assurer l'égalité et la reconnaissance du mérite, d'ouvrir à chacun les voies du bonheur familial et de l'épanouissement personnel. Une ambition régalienne, enfin, avec la restauration de l'État, renforcée dans ses moyens, son autorité, attentif aux conditions d'exercice matériel et moral de ses agents. Un État protecteur et juste, garant des libertés de tous. Un État stratège au service de la nation. Un État au bon endroit. Toutefois, mon ambition maîtresse est d'unir les Français autour de ce grand projet national et populaire. Un projet qui fait la part belle aux jeunes et fortifie le lien entre les générations. Un projet fédérateur pour ainsi faire à nouveau de notre nation une communauté de destin unie et donc invincible. Et de la France un pays qui renoue avec la prospérité et la grandeur. Dès à présent, j'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance dont la France a besoin et conduire avec bonheur notre grand pays dans le troisième millénaire. Vive la République, vive la France. Et nous allons passer, je pense, sur Jean-Luc Mélenchon, qui vient de commencer à prendre la parole depuis son siège et son petit pupitre. Non, il a quitté son pupitre, on va essayer d'aller le voir. C'est tout de suite Jean-Luc Mélenchon. Il est acclamé par ses militants. Alors non, là c'est Laurent Delahousse. Alors que voilà, tous les députés, toutes les grandes voix des insoumis sont en train de monter sur scène. On va peut-être aller le retrouver. Alors pour l'instant, voilà, il ne discute pas. On peut peut-être débriefer rapidement sur ce qu'il vient de dire. Non, il descend de la scène. Voilà, on y retournera tout à l'heure. Pas si on a Mélenchon ou pas. On n'a pas Mélenchon, encore. Non. Il vient de descendre de son pupitre, on va le retrouver à l'antenne. Bon, ouais, parce que on se faisait la remarque hors antenne. Là, il n'est que 20h40, donc évidemment en direct sur Radio Antigone et sur Phil FM. Et alors, évidemment, les grandes villes ne sont pas encore dépouillées du tout. On en est très loin. Et effectivement, là, on sait que Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément un candidat, on va dire, de la ruralité.

le répète, je vais synthétiser un petit peu ce qu'il a dit. Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Vous ne devez pas voter pour Marine Le Pen. Il l'a répété plusieurs fois. Et Philippe Poutou également, d'ailleurs, qui vient d'annoncer qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen. Il vient de le déclarer à l'instant. Déclaration peu étonnante, je pense. Oui, effectivement, Philippe Poutou, voilà, très très peu étonnant, effectivement. Donc, je vous rappelle ce score donc, de 23,6% pour Marine Le Pen. Donc, toujours avec des chiffres qui s'abaissent petit à petit. Sauf pour Valérie Pécresse qui reste bloquée stoïquement à 4,6%. Voilà. On l'embrasse, évidemment. On l'embrasse. Elle voulait se mettre debout. Elle finit couchée littéralement. 20h52 en direct sur Radio Antigone et sur Eric Zemmour est en approche sur son grand pupitre avec son bel écran et sur sa scène. On l'écoute. Je vous propose maintenant. On est vraiment obligé d'écouter Eric Zemmour. Oui, allez. On écoute tout le monde. Voilà, on respecte chacun. Allez, écoutons Eric Zemmour. On va se marrer un peu. Faut le prendre comme ça. Mes chers compatriotes, mes chers amis, vous êtes plus de 2 millions à m'avoir apporté vos suffrages aujourd'hui. Passage, le son est très mauvais. Je veux avant tout m'adresser à vous. Merci, merci infiniment de votre confiance, de l'espoir et de la force que vous me donnez ce soir. Grâce, merci, moi aussi. Grâce à vous, je peux faire une promesse. Je continuerai de défendre la France et nos idées. Et je suis certain que bientôt nous l'emporterons. Je vous remercie aussi pour la France, car je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée, quelle que soit l'issue du second tour. Comprendra que nos idées valent beaucoup plus que notre score d'aujourd'hui. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé, de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. Merci. Bien sûr, j'ai commis des erreurs, je veux dire que je les assume toutes. J'en porte l'entière responsabilité. Je dois beaucoup de mes succès à mon équipe, je ne leur dois aucun de mes échecs. Mais à la fin de cette campagne, j'ai la fierté de ne pas être devenu un politicien. Je n'ai jamais menti pour gagner un point dans les sondages. Je n'ai jamais travesti ma pensée et je n'ai jamais trahi. Dans les jours qui viennent, vous allez entendre tout le monde vous expliquer ce que nous avons raté. Moi, je veux donc vous dire tout ce que nous avons réussi. Je veux dire à ces millions de Français, grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Je vous demande de rester digne, de rester fort, de garder la foi. Vous avez été admirable pendant cette campagne. Votre vote est un vote pionnier, c'est un vote d'avenir, c'est un vote d'espoir, car les vérités que nous avons dites à la France pendant cette campagne s'imposeront à tous dans les années qui viennent. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé. À toute mon équipe, à tous nos militants, je dis un immense merci. Votre énergie, votre ferveur, votre grandeur d'âme, votre générosité, votre organisation ont impressionné la France toute entière. Je me souviens encore du mois de mai dernier. À l'époque, nous n'étions qu'une dizaine. Ce n'était qu'une idée. Nous constations le blocage de la vie politique française, nous constations l'état déplorable de la France et des vieux partis à bout de souffle. Nous ne savions pas quel accueil les Français nous réserveraient, mais nous étions convaincus qu'il était de notre devoir de nous lever. Je me suis levé. Un an plus tard, nous voici finalement face au duel qui était annoncé depuis 2017. Alors, si électoralement rien ne change, politiquement, tout a changé. Tout a changé parce que nous sommes arrivés. Nous avons fait irruption dans la vie politique et regardez, nous avons dépassé les vieux partis moribonds. Nous avons fait en 3 mois ce qu'aucun politicien n'a jamais réussi en 15 ans. Nous avons construit le plus grand parti de France. À mes côtés, une jeunesse s'est levée. Cette jeunesse, c'est l'interdiction de désespérer, car elle ne disparaîtra pas. Les drapeaux qui ont flotté au Trocadéro ne s'abaisseront plus jamais. Alors oui, nous sommes déçus. Mais nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n'a pas de prix, la puissance et l'expérience. Je vous le dis, chez Reconquête, nous sommes puissants, nous sommes forts. Nous avons des militants présents dans toute la France, nous avons des intelligences redoutables, des compétences inégalées. Nous nous projetons déjà vers l'avenir. Je ne m'en tiendrai pas là, car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise. Notre ligne a sa singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité dans la culture, à l'école, dans la rue, dans nos mœurs, dans notre vision de l'écologie, de la politique, de la société. Nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Je veux dire pour finir, parce que je pense à la France avant tout, parce que c'était tout le sens de ma candidature, que je ne peux pas rester les bras croisés devant les maux qui guettent notre pays. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne. Je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire. C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Voilà qui est dit du côté d'Éric Zemmour. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous, et c'est la France. Je sais que certains de mes électeurs ne voudront pas voter pour elle. Je ne les juge pas, car j'ai accepté les différences au sein de l'Union des droites. Certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots, mais je ne suis pas un marchand. Je ne vois pas la politique comme la négociation des intérêts, mais comme l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Je me suis présenté par sens de la France. Je me suis présenté parce que je crois que notre pays est en danger. Je me suis présenté parce que le duel qui était annoncé depuis 5 ans me paraissait mener à l'échec de nos idées. Je prie aujourd'hui le ciel. Oui, surtout. Voilà la déclaration. C'était donc Éric Zemmour sur Radio Antigone et sur Phil FM. La case électorale qui continue, bien sûr. Nous sommes ensemble pendant encore un petit moment. La radio à vif. Et c'est à toi, Antoine. Et oui, il est 21h, presque 4. Bienvenue à tous. À vous d'inventer la vie qui va avec. Radio Antigone. Et à 21h03, on va donc faire un point rapide sur l'actualité de cette soirée. Et l'actualité n'est pas des plus joyeuses, vu que le premier tour de l'élection présidentielle a livré son verdict ce soir. Et le trio de tête sera donc le même qu'en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui s'affronteront donc au second tour le 24 avril prochain, ce sera un dimanche. Selon les premières estimations d'IFOP, Soprasteria et OpinionWay, Harris Interactive et l'IFOP, le président sortant Emmanuel Macron arriverait, je dis bien en tête, au premier tour de l'élection entre 28,1 et 29,7%, devant la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, entre 23,3 et 24,7%. Jean-Luc Mélenchon, le candidat de gauche, évidemment, qui échouerait à la troisième place, qui rassemblerait entre 19,8 et 21% des suffrages, même si, on remarque une légère baisse de Marine Le Pen parfois, et selon les... Pardon, j'ai eu mon retour, c'est très compliqué. Une légère baisse donc de Marine Le Pen, une certaine remontée de Jean-Luc Mélenchon. Très loin derrière, évidemment. Éric Zemmour, qu'on vient d'entendre à l'instant, tournerait autour des 7%. Pécresse, qui serait sous les 5%, donc véritable gadin pour la droite. Jadot, autour de 5 également. Sous la barre des 5%, donc sous le solde de remboursement, Jean Lassalle qui serait presque à 4%. Fabien Roussel à 2,7%. Nathalie Arthaud et Poutou sont donnés aux alentours de 1%. Donc le taux d'abstention est estimé pour l'instant à 26,5% des voix, alors que certains sondages en ce moment sortent, parce que là il n'y a que même pas 20% encore des bureaux qui ont été dépouillés intégralement. Pour l'instant, sur certains sondages, ce serait Marine Le Pen qui serait passée devant Emmanuel Macron. On va en parler toute la soirée, évidemment, sur notre antenne. Rayon Antigone, Phil FM, il est 21h05. Radio Antigone, Phil FM. La case présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, Adam Le Fur. Merci d'être avec nous. Enfin, merci d'être avec nous. Du coup, je sais pas trop si on peut dire ça, malheureusement. Éric Zemmour qui appelle donc à voter Marine Le Pen sans grande surprise, vous vous doutez bien. Il est 21h05 sur Radio Antigone et sur Phil FM. On avait prévu de finir à 20h30. Bon, bah là, évidemment, on continue. Voilà. Match retour comme en 2017. Macron-Le Pen. La France est encore gouvernée, peut-être, par l'émotion, par l'extrémisme, mais c'est des choses qui peuvent faire peur à l'aube d'une époque qui est encore tout à fait compliquée avec la guerre en Ukraine, avec les problèmes écologiques, les problèmes de sécurité, bref, c'est encore l'émotion qui a cédé la place à la raison et à la passion. Avec moi, évidemment, ce soir, toujours sur Radio Antigone et sur Phil FM en direct, Enzo et Adam, les garçons. Rebonsoir, Antoine, et rebonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Adam, tu avais peut-être des petites informations, je ne sais pas, je te demande, parce que là, c'est vraiment du direct absolu. Je ne sais pas où nous allons, là. Oui, alors, ce qu'on voit à la télévision, les pourcentages qui nous sont annoncés, c'est des estimations. Les dépouillements sont toujours en cours dans toute la France, en tout cas métropolitaine. On est à 20% des dépouillements environ. Et actuellement, la France est majoritairement bleue. Marine Le Pen, par exemple, on va prendre pour le Cher, par exemple, où se situe notre chère Radio Antigone. Marine Le Pen, à 35% des dépouillements dans le Cher, arriverait à 31,73%, voilà, contre 25% pour Emmanuel Macron. Du côté du Loir-et-Cher, on est à 14% des dépouillements, 31% pour Marine Le Pen et 26,87% pour Emmanuel Macron. Eh ben voilà, effectivement, là les résultats sur le site du Berry Républicain donc tombent en direct, mon cher Adam, il y a quelques secondes. Donc Marine Le Pen est devant dans le département du Cher, donc 96 communes dans le département du Cher, soit non, il y a eu 17 623 pour l'instant votes dépouillés. Effectivement, plus de 32% pour Marine Le Pen, département qui est de gauche quand même, le département du Cher, comme on le sait, Jean-Luc Mélenchon, qui est à 14,79, Macron à 20, à quasiment 24%, et débâcle pour Nathalie Arthaud qui est à 0,7%, et Jean Lassalle qui est quand même à plus de 5% des suffrages exprimés pour l'instant. Voilà, comme Adam le rappelait, effectivement, on est très loin encore d'avoir les résultats complets. On aura les résultats des grandes villes pas avant 22h30, 23h, ce seront que des résultats qui seront extrêmement partiels. On le sait, ce soir, ça risque d'être très tendu parce que Marine Le Pen, une deuxième fois au second tour, effectivement, ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et si on remonte, il n'y a pas si loin, c'était en 2002, c'était la première fois que quelqu'un du parti Le Pen, en l'occurrence c'est Jean-Marie Le Pen, donc le père de Marine, est arrivé au second tour. C'est Chirac qui l'avait emporté avec plus de 82% des voix. Bis repetita en 2017 où effectivement c'était Macron-Le Pen, mais là on était très très loin d'un front républicain, on était très loin des 82% de Jacques Chirac malheureusement. Et là on voit effectivement que la France se radicalise, s'extrémise, et les deux partis, les deux grands partis des années 90-2000, que était le Parti Socialiste et l'UMP, maintenant les Républicains, sont complètement en déroute et complètement en débâcle et n'atteignent même pas les 5%. Autant vous dire qu'on arrive dans une période qui peut s'avérer sombre. Il reste 2 semaines avant le second tour et la France est dans un état de sidération, peut-être ce soir. Plus de 20% pour un parti d'extrême droite. Et si on additionne Zemmour et Le Pen, on n'est pas loin des 30%. 33%, voilà. Pour l'extrême droite et l'ultra droite et des personnes qui ont des pensées fascistes, peut-être néo-nazis pour certains, je ne sais pas où va ce pays, je ne sais pas du tout. Ce qu'on peut quand même souligner, c'est au niveau des territoires ultramarins qui eux ont voté beaucoup plus à gauche, notamment pour la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, qui élisent théoriquement Mélenchon au second tour avec plus de 50% des voix, au premier tour, pardon, avec plus de 50% des voix. Est-ce qu'on risque d'avoir dans les prochaines semaines une contestation des résultats par les territoires ultramarins qui, eux, ont voté largement en faveur de Jean-Luc Mélenchon? Ce sera à voir dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réelle division politique, division d'opinion entre la métropole et les territoires ultramarins. Ouais, dans le détail, en Guyane, Jean-Luc Mélenchon a 50,59% selon les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur. Voilà, par exemple, et Guyane, là-bas, Martinique, Jean-Luc Mélenchon a 53,10%. Ouais. Et si on va en Guadeloupe, on est à 56,16% pour Jean-Luc Mélenchon. Les dépouillements sont toujours en cours à Mayotte et à La Réunion. Voilà. Et pour les trois résultats que je viens de vous citer, ce sont les résultats officiels du ministère de l'Intérieur qui ont l'air d'être définitifs. Puisqu'il n'y a pas de pourcentage de dépouillement marqué, donc 100% des dépouillements ont visiblement été faits. Oui, effectivement, Enzo, mais il ne faut pas oublier non plus, là, je viens d'y repenser effectivement avec mes petites notes, c'est quand même très étonnant qu'Emmanuel Macron arrive au premier tour avec plus de 28% des voix selon BFM, 28,4% pour France Info, 28,6% pour BFM, alors qu'en 2017, il n'avait eu que, entre guillemets, 24%. Emmanuel Macron a quand même eu la Covid-19, il a fait deux confinements, il a eu la crise des Gilets jaunes, il a la guerre en Ukraine, et malgré ça, il est plus fort qu'en 2017, à l'heure actuelle, évidemment, comme je le rappelle. Là, ce sont des résultats que très partiels, évidemment. Et là, nous parlons de projection de vote. Projection de résultats, évidemment, aucun vote, évidemment, officiel. Cela ne fait que 1h12 maintenant que nous avons eu les premiers résultats. Voilà. Et on voit que Marine Le Pen est à 23,6. Elle était à 21,3 il y a 5 ans. C'est quand même très, très étonnant qu'Emmanuel Macron arrive à se hisser aussi haut, entre guillemets, malgré toutes les embûches qu'il a eues. C'est très surprenant. Mais je pense que la guerre ukrainienne fait son effet sur les votes. Oui, c'est tout à fait possible, Adam, que la crise en Ukraine et que la carte à jouer qu'a voulu faire Emmanuel Macron à se prendre un peu pour le justicier, effectivement, ça a peut-être fonctionné un petit peu. Alors qu'on voit que France Info re-remplit ses quotas et rediffuse un bout d'Anne Hidalgo, voilà, comme on l'appelle maintenant dans le milieu, on l'appelle 2,5%. D'accord. Oui, et quand je disais au niveau des sondages, c'est parce que on rappelle que les estimations que nous avons actuellement sont des estimations, sorties des sondages, sorties des urnes, notamment par différentes instituts de sondage, Ipsos, Soprasteria, pour pas le citer, du côté de France Télévisions. Voilà. Ça a bougé d'ailleurs. Hein, Valérie Pécresse est redescendue à 4,7 pour cette estimation. Ouais, 4,7 et Yannick Jadot qui a 4,4 et la femme qui a 1,1. Il était à combien, Jean-Luc Mélenchon, juste avant, au tout début? Il était à 20,5 selon ELA, BSFR, L'Express, BFM, RMC. Et pour France Télévisions, il a gagné 1% depuis 20h. Voilà. Mais voilà, même s'il a gagné 1%, même si c'est possible que les grandes villes votent traditionnellement majoritairement à gauche, on le sait, c'est fort peu probable, à moins que Marine Le Pen n'accuse plus aucune vote et que Jean-Luc Mélenchon rafle tout. Il est fort peu probable, à l'heure où on se parle, que Jean-Luc Mélenchon arrive quand même au second tour, évidemment. C'est très très peu probable. Bah, à moins que les sondages sortis des urnes ne soient pas totalement justes pour cette fois et que les données officielles des dépouillements montrent quelques différences. Effectivement, il est 21h15 sur Radio Antigone et sur Phil FM de Radio Uni ce soir pour vous faire vivre cette soirée électorale en direct, évidemment. Ce temps de cataclysme bis, Marine Le Pen qui est toujours au second tour, Éric Zemmour qui n'atteint que 7%, 7,10%, mais quand même 7%, Valérie Pécresse qui serait probablement sous les 5%. On continue d'en parler ce soir, juste après une courte page musicale sur Radio Antigone et sur Phil FM. Je sais, Enzo, que j'ai 20 secondes d'introduction, on va laisser parler de la musique un petit peu, ça va nous faire du bien. Probablement, voici le groupe Impératrice que l'on aime beaucoup à Radio Antigone avec Erreur 404. C'est un peu ce qui se passe en ce moment en France ce soir. Belle soirée sans fil FM sur Radio Antigone, la soirée électorale jusqu'à... Échec et mat sous la pluie. Tu prends l'avantage et tu dis que ce n'est pas sage, mais j'en ai. Yeah. Radio Antigone, Phil FM. La casse présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, Adam Le Fur. Vous écoutez Radio Antigone et vous écoutez Phil FM. Merci d'être avec nous. Il est 21h passé de 19 minutes. Alors que, effectivement, certains sites internet de qualité, des sites internet de médias, de confrères tout à fait qualitatifs et crédibles, actualisent les résultats en temps réel toutes les 2 minutes 40, en l'occurrence pour BFM TV. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, clairement. Adam nous le faisait un teasing, je n'avais pas encore vu arriver sur mon écran de contrôle. À l'heure actuelle, à 21h, pratiquement 20 minutes, Marine Le Pen est devant Emmanuel Macron. Selon BFM TV, sur le dépouillement partiel, voilà, on a 22% des résultats connus à l'heure actuelle, selon BFM TV. Après, voilà, ce n'est qu'un résultat partiel, mais c'est pour vous faire prendre conscience quand même de ce qui se passe. Voilà, la voix est un petit peu embrumée. Marine Le Pen est à 28,74% et Emmanuel Macron à 25%. Donc à l'heure actuelle, à l'heure où on se parle à 21h20 sur nos antennes respectives que sont Phil FM et Radio Antigone, Marine Le Pen serait devant Emmanuel Macron. Donc c'est-à-dire que si le vote s'arrêtait là pour ce soir, voilà. On voit là. Alors que dans le même temps, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé à 21h17, il y a donc 3 minutes tout pile, a voté pour Marine Le Pen lors du second tour, le candidat Debout la France donc, qui s'est exprimé il y a quelques instants pendant l'impératrice. Je l'ai pas vu diffuser nulle part, en tout cas, l'a peut-être fait par message, mais voilà. Et on voit une magnifique bascule d'Anne Hidalgo qui passe à 1,8%. Et alors que Nathalie Arthaud a annoncé également il y a quelques minutes, pas diffusé beaucoup d'endroits malheureusement, c'était tout à l'heure à 20h40, malheureusement pour elle, a annoncé qu'elle ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour, voilà. Donc ils vont perdre combien de voix? 4 à peu près? 4 ou 5 quoi, globalement. Non mais il y a un moment, Adam, voilà, je veux pas dire, mais voilà, il est 21h20. Bon, alors que là, on a Stanislas Guérini, je n'ai pas le son, mais je vois qu'il commence à s'agacer dans son coin sur le plateau de BFM TV. Effectivement, c'est un client qui a fait un message sur Twitter, Enzo. C'est normal. D'accord, voilà, très bien. Je tiens à le dire, nous n'avons pas les résultats de tout ce qui est Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. On n'a rien, et pareil pour les Français de l'étranger. Oui, effectivement, parce qu'en Ile-de-France, les bureaux de vote fermaient donc à 20h, comme à Lyon, comme à Marseille, comme à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, il me semble. Alors que là, qu'est-ce qui se passe sur BFM? J'ai vu un jingle priorité au direct. Je crois que Emmanuel Macron ne devrait peut-être pas tarder à papoter. Très bien. Alors, du côté de France, on est en moto. Emmanuel Macron qui serait actuellement en route. Hein. Voilà, là, j'ai l'impression de voir le convoi présidentiel. Forcément, vu qu'il est président, on est à deux doigts de revivre ce qui s'est passé en 1995 avec Benoît Duquesne sur la moto de France 2. Il pensait pour Valérie Astruc qui était tombée aussi en 2012. Ouais, mais là, BFM est vraiment. Alors là, on vous fait vivre les événements tels qu'on les voit et tels qu'on les admire. À ce niveau-là, c'est de l'admiration. BFM est donc en direct sur sa moto pour suivre des motos et des voitures. Réellement. Et là, BFM est à l'arrêt. BFM repart. C'est également le cas de France 2, mais qui a une vue sur le plateau où il y a actuellement. Oui, parce que là, c'est juste un. Là, c'est juste un travelling en direct derrière la voiture d'Emmanuel Macron. Ah c'est très, très intéressant. Alors que Ségolène Royal annonce qu'elle va voter Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Oui. Ou alors Ramatuel Macron, peut-être. C'est un peu mal de voir ça comme ça. Peut-être, oui. Tant que c'est pas Ramatuel Le Pen, ça va. Et nous sommes à 24% des dépouillements en France. Ouais. D'ailleurs, on a une réaction, peut-être que vous ne l'attendiez plus, de Marlène Schiappa. Oui, Autriche, Marlène Schiappa. Féministe, d'ailleurs, si voilà. Vous avez des extraits qu'on pourrait écouter à l'antenne, n'hésitez pas, je peux diffuser. Bah, moi, je n'en ai pas, mais c'était plutôt sur toi qu'il fallait compter, Enzo, comme je t'avais dit, effectivement. Oui, oui. Bah, je regarde depuis tout à l'heure Marlène Schiappa qui était sur... Marlène Schiappa qui disait qu'elle remercie toutes celles et ceux qui ont choisi Emmanuel Macron dès le premier tour. Elle respecte aussi ceux qui ont fait un autre choix, que c'est la démocratie, qui nous revient maintenant de convaincre ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel et d'autres. Voilà, bon. Autant dire de la langue de bois, voilà. Commencer à en faire. Le discours habituel, bien sûr. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que sur le live de nos confrères de France Info, il y a le correspondant de l'AFP qui explique que le résultat de ce soir donnerait, alors dans un système qu'on pourrait transposer en version germanique, qu'en Allemagne, son système parlementaire et son scrutin proportionnel, je cite, entraînerait directement des négociations. Une coalition LREM-LFI avec un chancelier Emmanuel Macron et un vice-chancelier Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que c'est intéressant hein, quand on compare. Quand on compare avec d'autres systèmes électoraux, on aurait des surprises et parfois même tout autre résultat. Hein. C'est intéressant. Oui. Il y a également une déclaration de Julien Bayot, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Enzo et Adam. Donc Julien Bayot qui a résumé en une seule phrase l'enjeu pour son mouvement, bien parti pour voir son score s'établir donc sous les 5%. Je cite, on a 5 semaines pour trouver 2 millions d'euros. Bonne chance. Très bien. Et on écoutera dans quelques instants la réaction de Manon Aubry de La France Insoumise qui était sur RTL tout à l'heure. Tout à fait. Et je rajoute juste effectivement, alors Monsieur 2%, comme on l'appelait à l'époque, on n'en est pas loin. Jean-François Copé, qui est le maire de Meaux, qui invite également à massivement voter pour Emmanuel Macron, mais il ne faut qu'Emmanuel Macron comprenne que la partie n'est pas du tout gagnée pour lui, qu'il ne rétablit pas la sécurité, qu'il faut qu'il fasse des réformes économiques. S'il ne le fait pas, le pire est à craindre. L'idée, c'est qu'on reste ce que nous sommes et qu'on devienne un élément clé pour réformer ce pays, mon cher Enzo. Un nouveau chiffre, d'ailleurs, de l'enquête Ipsos au Prasteria, donc qui estime l'abstention à 26%, mais chez les jeunes, elle grimpe à 42%. Chez les 18-24 ans, et presque 50%, soit 46%. Chez les 25-34 ans, autant dire, effectivement, que la politique... On n'a plus rien à faire. Les jeunes, malheureusement. Mais le problème, en fait, c'est que les jeunes, ils sont désespérés par les sondages, parce que c'est tout ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, de toute façon. Et je pense qu'il y a une sorte de lassitude où les jeunes se disent « À quoi bon voter ? C'est déjà fait d'avance. » Est-ce que peut-être qu'il faudrait faire des sondages qui ont été sortis un peu trop... comme LCI, c'était complètement aberrant. LCI qui faisait un sondage par jour, ça a été surmédiatisé, les sondages, cette année. Si bien que je pense que il y a les médias, alors attention, ça va sonner très complotiste alors que ce n'est pas du tout, mais les médias ont sûrement une légère responsabilité dans les résultats de ce soir. Oui, mais bien sûr, c'est pas du complotisme, Adam. C'est une étude qui a été faite en 2002, et d'ailleurs, il y a des journalistes qui en avaient parlé après. Il y avait eu beaucoup de faits divers sur la sécurité avant le premier tour en 2002, et on a vu Le Pen se hisser au second tour, voilà. Et là, par contre, quelque chose qui devrait faire réagir fortement, je pense, l'équipe qui était avec moi au micro ce soir, ou peut-être d'autres, dans les heures à venir, TF1, qui sort déjà le sondage pour le second tour. Des intentions de vote auprès d'un échantillon de 1000 personnes, tenez-vous bien. Macron 51, Le Pen 49. Ouais, mais 1000 personnes, très c'est serré. C'est les sondages qu'on avait d'ailleurs au début, avant la présidentielle, sur les sondages, les projections qui étaient déjà faites pour le second tour, hein, d'ailleurs. Oui, mais là, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose de frais, voilà, et c'est assez effarant de voir qu'en 2022, on peut encore donner du crédit à des partis qui, enfin, voilà, moi, ça me... Là, je sors un peu de ma... Tu sors un peu de la neutralité. Malheureusement, mais c'est compliqué, là, c'est... Le temps de... Je ne comprends pas que en 2002, après 2002, on n'ait pas compris le message de 2002, on n'a pas compris le message de 2017, et qu'en 2022, malgré tout, on continue encore à penser que Marine Le Pen est une candidate d'une droite classique. Et pas d'une droite dure et d'une droite qui a des personnes qui seraient maintenant à l'heure actuelle pour peut-être pour Adolf Hitler ou pour des personnes comme ça, et c'est revendiqué comme tel, même si ça ne veut pas être montré, évidemment. C'est ça qui me fait peur. Et ce qui me fait peur aussi, c'est que voir que BFM est toujours en direct pour Macron en route pour son discours annonce le synthé. Et j'aimerais intervenir par rapport au vote, puisque on commence à avoir des résultats partiels pour les Hauts-de-Seine, et c'est assez surprenant. Macron arriverait en tête avec 45,84% des voix. Ah ouais. Suivi de Jean-Luc Mélenchon avec 12,95% des voix. Et en troisième position, Valérie Pécresse avec 11,24% des voix. Les Hauts-de-Seine, qui est quand même un département, on le sait, qui est un département qui est très à droite, quand même. Encore, la présence de Valérie Pécresse n'est pas si étonnante, vu que c'est la présidente de la région Île-de-France, certes. Mais effectivement, Jean-Luc Mélenchon en deuxième position, c'est tout à fait surprenant. Mais rien n'est joué, puisque dans les Hauts-de-Seine, on est à 1% des dépouillements. Effectivement, donc, et je reviens très rapidement sur l'effondrement du PS et des Républicains, au moins pour les scrutins nationaux. Leur score cumulé en 2012, donc il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, était de plus de 55,8% pour être précis. Ce soir, il est de 26%. L'effondrement des partis, les partis traditionnels qui existent totalement. Gauche, les partis traditionnels, l'effondrement est absolu. C'est, ah, là, ça y est, BFM a carrément sorti le ticker rouge, Emmanuel Macron en route pour son discours. Bon, j'allais justement dire, alors que Emmanuel Macron est toujours en route, ouais. Et France 2, quant à elle, diffuse à son petit synthé à suivre la déclaration d'Emmanuel Macron. Voilà, voilà. On est toujours dans Paris et voilà, on roule avec des journalistes et la police, ça ralentit d'ailleurs, mais bon, tout se passe bien. Bref, c'est un voyage, un routier. Rien de bien extraordinaire. Waze annonce aucune perturbation sur le trajet. Vous écoutez Radio Antigone et vous écoutez Phil FM. La cage électorale avec vous en ce dimanche 10 avril 2022. Il est 21h30. Je vous propose, si vous voulez, qu'on écoute Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise, qui était tout à l'heure sur RTL et qui répondait aux journalistes qui se demandaient dans quel état d'esprit elle était, si elle était déçue. Et vous allez voir, sa réponse est plutôt intéressante. Bon, d'abord, c'est quand même une satisfaction d'avoir aujourd'hui réalisé autour de 20%. On attend que le chiffre se stabilise et je crois qu'on peut être fier de la campagne que nous avons menée, fier que le peuple de gauche se soit rassemblé, fier d'avoir dit aussi que nous sommes nombreux dans ce pays à ne pas vouloir d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et qu'il faudra en tenir compte, y compris dans le déroulé de ce second tour de cette élection présidentielle. Et je crois aussi qu'on a réussi dans le cadre de cette campagne à ramener des gens qui n'étaient même pas sûrs d'aller voter. On va voir un peu les résultats dans les quartiers populaires, chez les jeunes. Et je voudrais remercier tous ces gens-là qui se sont levés avec de l'espoir, de l'enthousiasme, de la joie. C'est important dans une campagne politique. Maintenant, on est déçus, évidemment. Déçus d'échouer aux portes du second tour. Déçus qu'une voix de gauche du partage des richesses, de la planification écologique ne soit pas présente au second tour. Mais je crois qu'il ne faudra pas ignorer ce qui s'est passé. Il ne faudra pas ignorer les 20% de Jean-Luc Mélenchon et que ce score, il veut quand même dire quelque chose dans notre pays et que nous devrons nous appuyer sur ce score pour aussi continuer à construire dans les semaines qui viennent. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, qui réagissait tout à l'heure sur RTL à propos de la troisième place de Jean-Luc Mélenchon dans les sondages sortis des urnes, dans les estimations, premières estimations de ce premier tour des élections présidentielles. Effectivement, et d'ailleurs les garçons, les amis et chers amis auditeurs qui nous écoutaient ce soir sur Radio Antigone et sur Phil FM, il y a quand même un candidat qui a triplé son score de 2017. Je vous laisse deviner qui ça peut être. Philippe. C'est Jean Non, c'est Jean Lassalle qui a fait le triple de son score d'il y a 5 ans. En effet, si je compare grâce à BFM TV, 2017, 1,21%, et on est à 4,47% selon l'estimation de BFM TV. Non, ce n'est même pas une estimation, d'ailleurs, ils ont les vrais les données officielles, résultats partiels. Actuellement, 26% des résultats connus pour BFM TV. Et là, je rigole un petit peu, car BFM a sorti le gros synthé Valérie Pécresse, La douche froide. Ah oui, il l'avait sorti tout à l'heure aussi, c'est du réchauffé. La douche froid, est la douche est froide et frigorifiée même. Ah bah c'est un ice bucket challenge, je suppose qu'elle a voulu faire. Ça doit sûrement être ça, mais je pense qu'on n'est pas loin. Et d'ailleurs, on embrasse TF1 qui est toujours en direct, alors qu'il devait passer les visiteurs. Peut-être étonné du revirement de situation qu'ils ont pu voir avec les résultats BFM TV, et ils se sont sûrement dit qu'ils se devaient de continuer à voir l'évolution des résultats à laquelle ils ne s'attendaient pour l'instant pas. Puis peut-être qu'ils attendent aussi la déclaration d'Emmanuel Macron, parce qu'ils ont le fond derrière avec marqué nous tous dans leur écran géant, et là il y a Robert Ménard qui s'agace tout seul encore devant Ségolène Royal qu'on appelle la statue de cire dans le milieu. Il y a Philippe Juvin qui papote sur CNews et sur Europe 1, donc autant vous le dire. On pourrait presque faire un petit zapping des différents médias là pour pourquoi pas. L'idée est bonne, c'est vrai qu'on l'avait fait au Nouvel An, justement, c'est ce qu'on avait fait au Nouvel An toute la. Il y avait ça aussi dans la case du soir à l'époque, si je me souviens bien. Un zapping, non, pas exactement, mais. Ils ont ressorti Julien Drey aussi sur CNews, c'est assez intéressant. On a écouté Manon Aubry tout à l'heure, on va essayer d'équilibrer nos temps de parole et d'écouter le porte-parole de Marine Le Pen. Le porte-parole de Marine Le Pen qui était lui aussi sur RTL tout à l'heure qui a lancé un appel aux électeurs. J'appelle tous les électeurs à nous rejoindre, que ce soit ceux de Monsieur Mélenchon, de Madame Pécresse, de Monsieur Zemmour, tous les électeurs qui ne sont pas justement des mondialistes et qui ont envie de faire passer d'abord la souveraineté nationale. Et puis la proximité avec le peuple, le localisme par exemple, toutes ces valeurs que nous incarnons, je leur dis voilà, second tour c'est pas droite contre gauche, c'est patriote contre mondialiste, et donc c'est Marine Le Pen la candidate patriote. On va aller au cul. Voilà pour ces déclarations du porte-parole de Marine Le Pen, Julien Sanchez. Ah, on n'est pas à l'antenne, Antoine, attention, voilà. Vas-y. Antoine, est-ce que tu m'entends? Vous êtes toujours sur Radio Antigone? Oui, ah. Je t'entends, mais je crois que c'est Adam qui voulait reprendre la parole. Oui. Adam, on t'écoute. Parole. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur cette abstention des jeunes assez impressionnante. Mais si on se remonte quelques mois en arrière et qu'on se rappelle une dame qui s'appelle... j'ai perdu son nom, mais la candidate de gauche radicale, du parti Arlette radical de gauche. Christiane Taubira, Arlette Laguiller. Christiane Taubira, merci. Le nom m'est sorti juste alors, avant que je commence à parler. Parti radical de gauche, non, ne semble pas. Si. En 2002. Ok. Et donc, si on se rappelle de cette candidate, elle était beaucoup soutenue par les jeunes. Justement. Oui. Et le fait qu'elle ait pas eu ses 500 parrainages, eh ben peut jouer aussi sur la lassitude des jeunes qui avaient une candidate en tête, et cette candidate n'a même pas eu la chance de pouvoir concourir aux portes de l'Élysée, quitte à se prendre une rafle et à être à 2% aussi, mais elle n'a pas eu la chance d'aller dans le concours, et je pense que les jeunes qui la soutenaient, eh ben ça les a complètement saoulés. Et c'est peut-être ce qui explique aussi cette abstention. Très intéressant. Alors là, à l'instant, une réaction de Nathalie Arthaud. Je cite, « Si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle exercerait dans l'intérêt des plus riches, mais de façon plus réactionnaire et autoritaire encore. En face, il y a Macron. Son mépris affiché des travailleurs et des pauvres, son dédain de tout ce qui ne vient pas d'en haut, autant dire qu'elle doit ne soutenir ni l'un ni l'autre. » Oui, c'est ce que nous disons tout à l'heure, pas de... Il n'y a pas de réaction particulière, alors que là, je suis passé de mon côté, du côté de Radio-Canada, et je vois que les images du meeting à venir d'Emmanuel Macron où les drapeaux s'agitent fortement, fortement. Ah, et là, ça y est, c'est beaucoup plus calme d'un coup. Bon, bah, ouais, ouais, on risque d'y aller très bientôt. Il me semble que France Info a mis sur une partie de son écran la salle. Voilà, je crois que c'est cette salle. On attend, il devrait bientôt arriver. Non, c'est pas ce n'est pas Jean, la salle, c'est juste la salle. C'est la salle, oui. Ah, non. Non, non, c'est... Oui, pas, oui, parce qu'on fait des jeux de mots par ici. Ouais, aussi, bah, on fait des jeux de mots, il faut que j'allume le cartoucheur, c'est ça aussi. Si je peux faire un petit point, bien parce sûr. Qu'il y a quelque chose qui m'étonne dans mon tableau de résultats. Oui. Quelque chose qui m'étonne énormément, les Bouches-du-Rhône, donc, qui est censé être le département, le fief électoral de Jean-Luc Mélenchon, et bien, actuellement, au dépouillement en cours, Marine Le Pen arrive en tête avec 31,80% des voix, suivi d'Emmanuel Macron avec 23,29% des voix, et Jean-Luc Mélenchon n'arrive qu'en troisième place à 15,45% des voix. Mais c'est pas si étonnant parce que, excepté Marseille, qui est une ville qui s'est toujours voulu être très à gauche, il y a des villes très proches de Marseille, comme je pense à Aubagne ou je pense même à Toulon, qui n'est pas très loin, même si Toulon c'est le Var. Ce n'est pas les Bouches-du-Rhône. Ce sont des villes qui sont gouvernées de près ou loin par le Rassemblement National. Genre Aubagne est une ville qui est vraiment d'ultra-droite. Donc, il y a la ville centre, effectivement, où les dépouillements n'ont pas encore été finis, évidemment, vu que les bureaux de vote sont fermés à 20h à Marseille. Mais ce n'est, pour l'instant, ce n'est pas si étonnant, mon cher Adam. Pour l'instant, je dis bien, évidemment. Il est 21h passé de 40 minutes, vous êtes toujours en direct sur Radio Antigone et sur Phil FM. Enzo, est-ce que tu es là? Je suis là, oui, oui, toujours présent. Est-ce que ce serait pas l'heure de faire une petite page musicale, parce que là, il y a Macron qui va arriver, qui va causer. Moi, je propose qu'on s'écoute MGMT avec Little Dark Age. Je ne sais pas s'il est prêt de ton côté, Enzo. Alors, il n'est pas prêt, donc on le tease surtout. On va le teaser. Et en attendant que tu sois prêt, je rappelle les résultats, évidemment. Pour l'instant, 28,4% pour Emmanuel Macron, 23,4% pour Marine Le Pen, 21,1% pour Jean-Luc Mélenchon. Et ça se rapproche, 7% tout rond. Pour Zemmour, 4,7% pour Valérie Pécresse qui s'effondre, littéralement la droite s'effondre, et qui se rapproche de Yannick Jadot à 4,5%, suivi tout près de Jean Lassalle qui est à plus de 3%, très grosse réussite pour Jean Lassalle ce soir, Fabien Roussel ou La France des Jours Heureux qui est à 2,4%, Nicolas Dupont-Aignan qui a à peine 2%, Anne Hidalgo qui s'est donc pris une baffe dans la figure avec 1,8%, ça fait rouler dessus par un cycliste qui est tombé très probablement, Philippe Poutou qui ont fait des bisous avec 0,8%, et Nathalie Artichaud qui est à moins de 1%, qui est également à 0,6%, mon cher Enzo et mon cher Adam. Voilà pour les résultats toujours partiels, je vous le rappelle, ce soir. Donc, et Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Fabien Roussel et Anne Hidalgo qui, évidemment, appellent à voter pour le président sortant, Emmanuel Macron. Très bien. Eh bien, voici MGMT qui a démarré derrière nous. Voici Little Dark Age. Belle soirée sur la radio à Vif et sur Phil FM. It doesn't what's to come. The image of the dead, dead ends in my mind. À l'instant sur Radio Antigone et sur Phil FM, on vient de s'écouter Little Dark Age de MGMT, titre éponyme de cet album qui s'appelle Little Dark Age. Peut-être un jingle, Enzo, tout de suite, je ne sais pas. Tout à fait. Radio Antigone, Phil FM, la casse présidentielle. Antoine Ricard, Enzo, Adam Le Fur. 21h46, donc, en ce dimanche soir, bon, ouais, voilà, soir, j'ai envie de dire soirée de merde un peu, là. J'ai failli dire belle soirée, mais de façon unique. Ça marche aussi, c'est où on se place. On fait peut-être un petit récapitulatif des résultats que nous avons... Bon, puis là, ce qui est très drôle, c'est qu'on a le syndrome TF1, on attend que Macron parle, donc TF1, il devait balancer les visiteurs ce soir, ils sont toujours en direct. Voilà. Il est là, j'ai l'impression. Donc on y va peut-être. C'est parti. Ah, Emmanuel Macron tout de suite. Maire et de l'étranger. Okay, let's go. Ce dimanche 10 avril, vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit. Ce droit conquis par les générations précédentes, qui est le droit de vote. Et je remercie tous nos compatriotes qui, dès le premier tour, ont porté leur suffrage sur ma candidature. Merci. Leur confiance, votre confiance, m'honore, m'oblige et m'engage. Vous pouvez, toutes et tous, compter sur moi pour mettre en œuvre ce projet de progrès, d'ouverture et d'indépendance française et européenne que nous avons défendu tout au long de cette campagne. Je veux aussi remercier toutes celles et ceux, quelques-uns sont là ici ce soir à mes côtés, qui durant ces dernières années ont tant donné, partout sur le territoire. Vous avez donné votre énergie, votre travail, vos jours et vos nuits. Je sais ce que je vous dois. Merci. Et j'appelle tous ceux qui, depuis 6 ans et jusqu'à ce soir, se sont engagés pour travailler à mes côtés, à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays. Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Éric Zemmour. Merci à toutes et tous ce soir, une fois encore, de les applaudir. Merci beaucoup. Parce que depuis le début et depuis toujours, nous défendons des convictions avec force, mais en respectant chacune et chacun. Merci pour cela. Je sais la déception des candidates et candidats dont je viens ici d'évoquer le nom et celle de leur soutien comme de leurs électeurs. Notre démocratie, en effet, est riche de tous les engagés qui défendent leurs idées avec force et passion. Merci à eux. Et je remercie Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m'ont dès ce soir apporté leur soutien. J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte. Je sais que c'est le choix fait, par exemple, par Jean-Luc Mélenchon. Mais je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite. Mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent. C'est notre devoir. À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent, aux désordres écologiques, à l'insécurité du quotidien, à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur, soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés, écoutés, associés. Je veux les convaincre, dans les jours à venir, que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et au défi du temps. Comptez sur moi. Car ne nous trompons pas, rien n'est joué. Et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe. France, indépendante, parce que forte, sur le plan scientifique, technologique, économique et militaire, agricole et culturel. Voulons-nous d'une France qui, par le plein emploi et par le sérieux, est capable de financer son État-providence, nos retraites, notre école, notre hôpital et nos services publics? Voulons-nous d'une France qui relève le défi climatique et écologique par le nucléaire, les énergies renouvelables, la sobriété énergétique et la planification écologique? D'une France où, par l'écologie, les factures de chauffage se réduisent. On va retrouver Emmanuel Macron. Voilà. Voulons-nous d'une France plus juste pour nos outre-mer, pour tout le territoire, pour notre hexagone? Voulons-nous d'une France qui, face aux crises en cours et à venir, continue à faire confiance à la science, à la raison, à la compétence, comme ces derniers mois et ces dernières années? Je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste, mais qui, par la laïcité, permette à chacun de croire ou de ne pas croire, d'exercer son culte. Et pas une France qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion. Je veux une France qui porte des progrès pour chacun, pour nos aînés, pour nos enfants, pour les travailleurs, pour les familles, pour les femmes et notamment les mères seules, pour les précaires. Pas une France de la régression pour tous, ce n'est pas nous. Je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte, continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre. Pas d'une France qui, sortie de l'Europe, n'aurait pour seuls alliés que l'international des populistes et des xénophobes. Ce n'est pas nous. Je veux une France fidèle. Je veux une France fidèle à l'humanisme, à l'esprit des Lumières, au souffle de 1789. Tels sont, mes chers compatriotes, mes chers amis, les enjeux du 24 avril. Ce sont les choix que, par votre vote, vous aurez à faire dans 15 jours. Et je veux vous dire ce soir que je mettrai toutes mes forces pour convaincre chacun que le seul projet pour le pouvoir d'achat, c'est le nôtre. Que le seul projet crédible contre la vie chère, c'est le nôtre. Que le seul projet des travailleurs, de tous ceux qui sont au bord du chemin, c'est le nôtre. Que le seul projet de la France et de l'Europe, c'est le nôtre. Je crois en nous tous, quels que soient nos parcours, nos milieux, nous tous, quelles que soient nos origines, nos territoires, nous tous, quelles que soient nos opinions et nos croyances, nous tous. C'est cela la France. Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés. Allons convaincre chacune et chacun. Le 24 avril prochain, nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de l'espoir. Le 24 avril, nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble. Vive la République et vive la France. C'était donc Emmanuel Macron en direct. Le micro est allumé, mon cher Antoine. Merci Enzo. Écoutez, 21h59, on est vraiment bien là. On peut le remercier quand même. On peut, oui. Enfin, oui, voilà. Je vous rappelle les résultats rapidement. 28% pour Emmanuel Macron, 23,2% pour Marine Le Pen. Aux alentours de 20% pour Jean-Luc Mélenchon. Il est 21h59 sur Radio Antigone et sur Phil FM. Cette édition spéciale se poursuit dans quelques instants avec nos camarades de RFI. Merci à Adam et merci à Enzo. Merci à toi, Antoine. Qui m'ont fortement aidé à préparer cette édition spéciale de la rédaction. On se retrouvera évidemment dans 2 semaines. D'ici là, retour de la musique dans quelques instants, donc après le journal de 22h. Enzo, donc une nouvelle fois, merci. De rien, avec plaisir. Adam, merci. Dans 2 semaines. Merci. On fera encore mieux. Et puis il est 22h. Bonne fin de soirée à tous. Et n'oubliez pas, la liberté nous est chère. Il faut la protéger parfois. Merci à tous. Bonsoir. Salut. Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.